Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans? Loin des faux culs, loin de tous ces mecs médisants. Un goût sucré aux lèvres sous le soleil posé. Je veux plus les voir tous ces murs qu'on a rasés. Je crois que c'est bon, tout le monde y sait. Mon quartier j'aime trop. Qualité défaut, j'accepte tout sauf quand t'es faux. Et on se saoule, saoule, saoule, bientôt une nouvelle année. Je veux juste un cadeau de Noël, revoir mes potes condamnés. Sourire qu'on fasse la fête, le passé à la cuvette. Oublie ton ex, c'est pas une lettre qui doit te faire mal à la tête. On vit nos vies, mais ça change pélo dans ma ville, même sans appui. Ça bouge pas, 6, 9 et à vie. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans? Loin des faux culs, loin de tous ces mecs médisants. Un goût sucré aux lèvres sous le soleil posé. Je veux plus les voir tous ces murs qu'on a rasés. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans? Loin des faux culs, loin de tous ces mecs médisants. Un goût sucré aux lèvres sous le soleil posé. Je veux plus les voir tous ces murs qu'on a rasés. Solitaire loin de tout, solitaire loin des gens. Solidaire on l'était, mais ça change depuis le temps. Tout le monde y veut briller, tout le monde veut son étoile. Moi dans ma tête c'est le foot, comme Mbappé à Paname. J'en ai marre à tous ces gens. Non c'est pas mieux que les études. Bien mieux ça paye comme un bonhomme. C'est ça, c'est ce qui compte plus. J'en ai marre à tous ces gens. Non c'est pas mieux que les études. Bien mieux ça paye comme un bonhomme. C'est ça, c'est ce qui compte le plus. C'est tellement la routine que je perds notion du temps. C'est tellement des suceurs qu'ils ont même plus de camp. Contrairement à eux, moi je m'interdis d'échouer. À l'heure où je parle, j'ai les poches qui sont trouées. Et si on se donnait